La sorcière et la poule reprennent leur quotidien. Avec le temps, la poule vieillit. Il reste juste le tic-tac puis le gorlot. Sa fin approche. Un soir, alors que tout est très calme, trop calme, elle installe la poule sur ses genoux. Elle dit, « Il faut qu'on se parle. » Elle touche Pavlat sa baguette afin que la poule puisse la comprendre et y parler. « Je t'observe depuis un petit bout de temps, puis je m'aperçois que tu as de plus en plus de peine à faire tes journées. »« Papa, c'est vrai, mon temps achève. Je perds mes forces puis mes plumes aussi. » La sorcière écoute attentivement sa poule. Ça lui fait de la peine de la voir dépérir. « Pavlat, tu ne peux pas te rendre immortel, mais j'ai une offre à te faire. » Et à la lumière vacillante de la chandelle, la sorcière fait une offre singulière à sa poule. « Je t'offre de te transformer de sorte que ton âme habite ma cabane. On va pouvoir rester ensemble toutes les deux. Je vais avoir besoin de tes pattes, par exemple. Elles vont porter la cabane et on va partir à l'aventure pour explorer toutes les forêts du monde. Mais prends le temps d'y penser. » Puis donne-moi ta réponse quand tu veux. Quelques jours plus tard, Pavlat s'installe sur les genoux de sa maîtresse. J'accepte et je suis prête. La sorcière prend la poule délicatement dans ses mains. Elle la dépose doucement au centre de la cabane et au-dessus d'elle, elle trace des cercles avec sa baguette magique tout en récitant une incantation. « Que ton âme reste entre ces quatre murs et que tes pattes retrouvent leur force et leur jeunesse! » Et au fur et à mesure que la sorcière répète ses paroles, la transformation se met en route. Un tourbillon de lumière dorée apparaît. D'abord petit et grossit, puis il enveloppe la poule qui devient de plus en plus grosse et transparente. Elle touche au mur et au plafond de la cabane. Que ton âme reste entre ces quatre murs et que tes pattes retrouvent leur force et leur jeunesse. Elle se fond dans les murs, puis craque! Les pattes de Pavlat passent à travers le plancher de la cabane. Puis, plus rien. C'est le silence. Dans la pièce, la fumée dorée disparaît doucement. « Papa! » C'est Pavlat! Baba Yaga applaudit. « Mon ami, es-tu prête? » Puis comme seule réponse, la cabane s'ébranle. Elle se met en route, portée par les pattes immenses de la poule. Et c'est comme ça que les deux amis sont partis pour un merveilleux voyage. J'ai vu au coin du gros chêne la cabane qui a disparu après avoir tourné à gauche. Dans la pénombre de la grange, les images s'étiolent et disparaissent. Assise près de Woodwood, je me penche vers elle pour lui demander « Qu'est-ce qui est arrivé après? Ils sont partis où? » Pas de réponse. La poule reste silencieuse. Elle cache sa tête en dessous de son aile pour dormir. C'est tout. Je comprends que c'est son dernier mot. Comme si rien s'était passé, les poules dorment sur leur perche. Je me suis levée tranquillement. En sortant, les chats ont ouvert un œil pour me jeter un regard indifférent. J'ai ouvert la porte de la grange. Et je me suis pris un bon coup d'air glacial de février dans le nez. Malgré le froid, la nuit était belle. La nature était féerique. Les rayons de la pleine lune sur la neige la faisaient ressembler à un ciel tout blanc recouvert de milliers d'étoiles scintillantes. J'ai été bien vite me réfugier dans la chaleur réconfortante de la maison. Ça a été long avant que je puisse m'endormir. J'ai réalisé que les humains, comme les animaux, on est un peu étranges les uns aux yeux des autres. Et parfois, la vie prend des tournures imprévisibles. La nature a ses lois. Il faut les connaître puis apprendre à vivre avec parce qu'on en fait partie. Comme la sorcière, je possède mes propres pouvoirs bien à moi. Entre autres, celui de choisir ma vie puis comment je veux la vivre. Je peux décider de quoi vont être faits les murs de ma maison puis quelle vieillesse je veux avoir. J'ai confiance. Le destin et la vie s'occupent de mes proches et de moi. En glissant dans le sommeil, j'ai revu le défilé de barouettes se rendre chez Tatarova. J'ai entendu le rire de la sorcière qui s'envole dans le ciel et je me suis endormie au moment où la maison, avec ses grosses pattes de poule, est disparue au fin fond de la forêt.